et mon pain, hein? Jeune Patou, grand prêtre, prophète et roi. Soki omoni mama moko moko moko femeni hôpital na maternité ako de la vaye na mabele, kokani zaka kati ya kufisi mwana. Otan mosoki ozala peke baboye kaka wana na tata mwana na ye. Tous ensemble. Hey ma, maman a zolé là. Hey ma, maman a zo kachwa. Hey ma, maman a zo tamwa. Nzangali to inga na yoka mukusa. Sopela man to inga na yoka mamusilu. Imbo ya loke to yangonga na zolé là. Katika tiambu tonga inoko te mwete. Moto a vetinga tenga matangai. Zoka wazubu manga. Nelendi, osisya zubu manga. Nelendi ya. Hey ma, mama na zola. Hey ma, mama na zoka chwa. Hey ma, mama na zoka mwa. Kwenye maeto ni na yoka mukusa. Ah. Eh mon pote Mustapha, qu'est-ce que tu as déconné encore là mon frère? On t'avait bien dit, Mike mon sissi, il faut prendre le conseil chez lui, car l'amour faut pas mettre dans la poche. Terminé la poche est trouée, tu restes avec rien. Eh Mustapha, on m'a interdit de mettre l'amour dans la poche. On m'a interdit de mettre l'amour dans la poche. Ta poche est étouffée, j'ai fait tomber mon amour. La poche est détruite, moi j'ai perdu mon amour. La cote nous a bien dit douce, la nyonga swinga. La panza m'a dit il faut me le faire à piquenga. La mère n'a dit la zala n'a zala ni kaku a gogonia. Et go, vraiment ni kaku a pachelenga. A kani sa ti vai koi va bitabe. A kani sa ti vai koi va mbuma ni kakwe. Angambi mudila angamwani. Angambi mudila angamwani. Tufika kukitazo mukedi lagada bulimbo. Falafuma mengi mwini nanga yeza mosisi. Chibwa kula jide jilima. Mosisi maika zalija ime milioner. Kole na teo ya mungo bulina. Kostara sama kudina kero moto kukitina. Utako kopine kesheri muta barenga. Waso te ataka masike tobe kesheri muta barenga. Ana mushe tu bale bore. La polisa pandamo ya kosta na kademo. Eza kino kia pami kesheri muta barenga. Waso te ataka masike tobe kesheri muta barenga. Mike, na luki docteur, na luki pe pasteur. Ba merete ba docteur, ba lomise ye. Moi ma kasi la koma lupa bolingo na la bougie. Ba merete ba voyant, ba lomise ye. Moi ma kasi la koma lupa bolingo na la musika. Tu vas me dire, tu vas me cesse, tu vas me tout. Alimi la koufa, alimi la koufa, na la mando koma ye. Ma koufa, na la mando koma ye. I'm going to go to the hospital.